sa dimension vague, ineffable, spectrale, sortant de l'éternel, entrait dans l'absolu. Pour pouvoir mesurer ce tube, il eût fallu prendre la toise au fond du rêve et la couder dans la profondeur trouble et sombre de l'idée. Un de ses bouts touchait le bien, l'autre le mal. Et sa longueur allait de l'homme à l'animal, quoiqu'on ne vit point là d'animal et point d'homme. Couché sur terre, il y joint Éden à Sodome. Son embouchure, gouffre où plongeait mon regard, cercle de l'inconnu ténébreux et hagard, pleine de cette horreur que le mystère exhale, m'apparaissait, ainsi qu'une offre colossale d'entrer dans l'ombre où Dieu même est évanoui. Cette gueule, avec l'air d'un redoutable ennui, morne, s'élargissait sur l'homme et la nature, et cette épouvantable et muette ouverture semblait le bâillement noir de l'éternité.